Attila Faravelli, Jérémy Chevalier ou les deux? Hein? Quoi? Eh bien non, aujourd'hui c'est Jérémy Chevalier. Et oui, aujourd'hui c'est encore Jérémy Chevalier. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Ouais, ça va et vous? Alors aujourd'hui, on t'a fait une petite demande spéciale, c'est que ça fait plusieurs jours que tu nous parles de ces micros en terre. Ouais. Et on avait très envie de les essayer, on se demandait si on pouvait peut-être mener l'interview avec le micro. Alors ouais, je vais en brancher un simple. Alors regarde, il y a Rudy qui prépare les câbles et qui petit à petit arrive jusqu'à toi. C'est celui-là. Donc tu pourras brancher a priori le micro directement au câble. Mais il y a celui-là, non? J'ai pas de sortie XLR sur moi. Voilà, on s'est pas tout à fait compris. Attention, le... Ça fait pas pof, t'as coupé le... Vas-y, tu peux y aller, branche. Voilà. Ah, alors... T'as quelque chose, là? Alors, si je parle comme ça, ça ah, c'est super, j'adore. Alors, est-ce que tu peux nous décrire dans quoi tu es en train de parler actuellement? Je suis en train de parler dans une espèce de boule de terre sèche. En fait, celui-là, c'est un micro... J'ai voulu faire écouter ce truc de mettre le micro dans un bout de terre à quelqu'un, on peut moduler le son. En fait, je l'ai oublié, et maintenant la capsule est prisonnière de cette espèce de... Ça marche toujours? Je m'entends plus. Prisonnière de cette espèce de bloc de terre, donc c'est assez marrant. Voilà, c'est très dans les médiums, ça fait... C'est même un peu saturé. Et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, c'est quoi le micro que tu as mis à l'intérieur? Alors c'est une capsule à électret. Je sais, bac électret capsule, qui est un peu... il y a plusieurs manières de faire des micros. Il y a un peu trois écoles. Il y a ceux à diaphragme, ceux à électret, et puis les dynamiques après. Après, il y a les charbons, il y a les rubans. En fait, non, il n'y a pas trois écoles, il y en a beaucoup plus. Mais voilà. Et là, pourquoi tu as choisi de travailler avec ce micro? Avec cette capsule en particulier? Mm-hmm. C'est parce que c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. En fait, c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et en fait, le son n'est pas trop mal. On a un rendu à peu près au niveau des fréquences, c'est à peu près OK. Ça sature un peu, mais je pense que c'est surtout une histoire de niveau. Ah, mais ça sature là. Ah, oui, je pense. Ah, mais oui, d'accord. Je baisse le gain. C'est un omni ou un cardio ou... C'est un omni. Ok. C'est que des capsules omni. Alors, on n'entend plus rien maintenant? Attends. Alors, je vais trop baisser, mais je peux monter ici. Là, là. Ouais. Ah, super. Voilà. Et je vais rebaisser un peu le gain parce que ça saturait, c'est pour ça. Et donc là, sur la table, il y a plusieurs différents micros. Il y en a un, on dirait un sèche-cheveux. Absolument. Ça sature encore? Non. Et là, c'est chez moi que ça sature. Ah, enfin, okay. T'en vois trop fort, mais je vais... Ah, je peux baisser si tu veux. Ouais, je veux bien que tu baisses. Je baisse un peu, voilà. Pardon. Non, on est bien là, je crois. Pardon. Les aléas du direct. Ouais, alors ça, c'est le premier modèle de que j'ai voulu faire un système hypercardioïde, enfin un micro-canon. Donc j'ai pensé à cette espèce de... Pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble à une sorte de sèche-cheveux, effectivement. C'est un tube qui est ouvert d'un côté et fermé par une sorte de parabole de l'autre côté, et avec une poignée. Et en fait, j'ai voulu l'amener, mais en retestant tout à l'heure avant de venir, la capsule ne marchait pas. Donc je peux faire... On va faire comme ça. Je peux vous le faire écouter. On va essayer. Attends, ça va faire pof. Je coupe. Tu vas faire comment? J'ai pas compris. Je me suis dit que j'allais prendre, en fait, parce que j'ai une capsule un peu mobile que je peux détacher puis la mettre dedans, puis on peut essayer comme ça. Ok, super. Peut-être je coupe le son là. Donc, petit moment de transition. Jérémy Chevalier est en train de changer de capsule. Donc il se dépêche, il vient de brancher le mini jack. Il sort la capsule du premier micro et il la met dans le micro en forme de sèche-cheveux. Tu pourrais être comment? Travailler avec la terre, voilà. Ça permet comme ça de passer d'un micro à l'autre, d'une directivité à l'autre. Absolument. Je crois que ça règle pas mal de problèmes en fait. Mais la question c'est, est-ce que ça marche? Est-ce que... Ouais, mais ça c'est anecdotique finalement. Alors on n'entend pas grand chose, mais peut-être... Ça sort. Ah. Ça sort. Moi, j'ai rien. Bah, alors, peut-être, bah, peut-être a... parle à l'intérieur. Et ouais, puis... pointe vers ouais. ta bouche pour voir. Ah. Ah. Oh. Ça sature. On reconnaît le micro canon. Oui. Oui, c'est un sacré canon quand même. Si tu parles derrière le micro canon, c'est peut-être normal qu'on n'entende rien. Si je fais la la la la la la la la la la la la la la la, on n'entend rien. Mais c'est très beau, pas ? Oui. J'ai un peu l'impression d'être dans le film Existence. Je sais pas si vous vous rappelez de Cronenberg. Et puis ils ont des sortes de flingues qui ressemblent un peu à ta sculpture en forme de terre. Voilà. Oui. Des flingues, je me rappelais du pod, l'espèce de... Ah oui, c'est un pod en fait, t'as raison. C'est bizarre sur lequel il se branche. Ouais, voilà, oui, c'est fait. Une sorte d'extension. Ouais. Mais est-ce que la Terre a des propriétés particulières pour réverbérer le son par rapport à, je sais pas, d'autres choses que t'aurais essayé, peut-être à base de bois ou de jambon ou de... Alors, ouais, le jambon. Est-ce que t'as déjà pensé au jambon? C'est l'idée. J'ai pensé au... Non, en fait, j'ai surtout pensé à la Terre pour des raisons... Attends, on t'entend pas très bien. Peut-être ouais, parle en fait, un peu plus... Je dis ça parce qu'en écoutant l'autre micro, je trouvais qu'il y avait une sonorité, une sorte de réverbération assez particulière. Et puis, je me demande si le matériau rentre aussi en question là-dedans. Alors, c'est quelque chose, effectivement, encore à essayer. En vrai, je sais pas... Pas vraiment, je pense que ça dépend aussi vachement de la dureté et de la surface des matériaux. Donc plus c'est lisse, plus c'est réverbère, plus c'est dur aussi. Le béton, par exemple, ça, quand c'est bien lisse, ouais. ça réverbère pas mal. Les vitres, les trucs comme ça, alors que la mousse, bah, ça va absorber les réverbérations. J'ai l'impression que la terre, quand elle est molle, ça réverbère moins que quand c'est plus dur, plus sec, évidemment. Que ça, ouais, là quand c'est mou, ça absorbe un peu. Voilà. Donc on peut presque imaginer de faire des prises de son un peu évolutives si on part de la terre molle et puis qu'on enregistre jusqu'à ce que la terre durcisse. Ah ouais, ouais. Ouais, ça peut être assez chouette de faire ça, ouais. Voir si vraiment ça fait un truc. Faudrait peut-être tester juste avec un bruit blanc, enfin, peut-être pas un bruit blanc, mais. Si, peut-être un bruit blanc, je sais pas. Ouais. Ou quelqu'un qui parle pendant très très très longtemps devant le micro jusqu'à ce que ça sèche. Ah, ça okay. pourrait être une performance, mais il y aurait pour pas mal d'heures, je pense. Ah, peut-être même en séchant la terre avec sa propre haleine. Je pense à ça. Ouais. Et de voir avec quel type, quel type d'aliments ou de boissons le séchage se fait plus rapidement. Ouais. C'est un magnifique programme. Et moi, il y a un dernier micro sur cette table qui me rend très curieuse. Il ressemble à une flûte, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous le décrire, nous le montrer, peut-être même le tester ? C'est un tube d'interférence. J'ai essayé de recréer la forme des micro-canons. C'est-à-dire que les micro-canons, généralement, c'est un tube... Et qui est ouvert de chaque côté. Il y a un côté, il y a la capsule. Et tout le long du tube, sur les bords, il y a des trous. Généralement, c'est plutôt des espèces de fentes, comme ça, les unes à côté des autres, et c'est censé être assez précis. Et l'idée, c'est qu'en fait, le son qui arrive directement à l'intérieur du tube, bah, il arrive à la capsule. Et le son qui arrive sur le côté, il passe à travers les tubes ou les trous, à travers les fentes ou les trous. Et le fait qu'il y ait plusieurs trous alignés les uns suite des autres crée une sorte d'annulation de phase à l'intérieur du micro, ce qui permet de d'éliminer le son qui vient sur le côté. Je suis pas exactement spécialiste là-dedans, mais je vois à peu près comment faire. Et je me suis dit j'allais le faire justement en terre. C'est quelque chose qui doit être assez précis. J'ai pas mal galéré à le faire. J'avais commencé par faire des fentes, plusieurs fois, je les ai cassées, etc. Finalement, je dis, bon, je vais faire avec des trous. Il y a certains micros qui marchent avec des trous. Et on peut l'essayer, évidemment. Alors. Mais donc ça, par exemple, tu l'as fait il y a combien de temps? Parce qu'on parlait de combien de temps... Enfin, est-ce que la terre avait séché ou pas? Je ne sais pas si ça a vraiment une importance, mais est-ce que là, c'est un objet qui... Parce qu'il a l'air... assez sec par rapport aux sèche-cheveux d'avant, par exemple. Et donc, Alors, le sèche-cheveux est plus sec que celui-là. Ah ouais. Mais parce qu'il est, il est plus épais. C'est peut-être, ouais, ce côté épais. Celui-là, je l'ai fait il y a 2 jours. Le sèche-cheveux, je l'ai fait il y a 1 semaine. Ok. Là, alors, je ne sais pas si on entend... Allô, allô. Ouais. Je t'envoie rien. Moi, je suis à fond. Je suis ouvert, ouais, pour toi. Non, en fait, je vais faire un jeu. Là, t'as rien. Madame. Allô, allô. C'est bizarre parce que... Si, il y a un micro truc. Ah, ouais. Ah oui, il y a un micro. Ah, mais en fait, c'est parce que j'ai... Bon, je vais remonter le gain. Un peu. Voilà. Ah, voilà. Ah, ouais, ah bah, oui. Oh. C'est pour ça. Voilà, et là, je sais pas si ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Ah, mais attends, c'est bon, c'est pas... Alors, est-ce que vous sentez la directivité dans vos oreilles? C'est impressionnant. Non, mais c'est vrai, on sent. Ouais, ça marche. Mais en fait, ma grande question, c'est que je sais pas si... Parle dans le micro, ouais. Je sais pas si la directivité vient aussi du tube lui-même qui absorbe. Parce que l'idée, si j'ai bien compris, c'est que l'idée du directionnel... Si on a juste un tube, on a toute la résonance du tube. On pourrait avoir juste un tube qui serait directif, mais on n'aurait que la résonance du tube. L'idée de mettre des fentes, c'est justement de pouvoir ouvrir le son, quoi. Et pas d'avoir cette résonance de tube. Et en même temps, de pouvoir annuler les sons qui viennent sur les côtés. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment le tube. Ça marche assez bien. Bah là, il y a quand même quelque chose qui est induit de très fort par le tube, en fait. Ouais. Même si les fentes ou les trous de côté... ont plutôt tendance à atténuer l'effet filtre si le tube était fermé. Ouais, bien sûr. Ouais. Je devrais peut-être en essayer un juste sans trou pour faire des comparaisons. Et puis, je suis toujours à la recherche d'une chambre anéchoïdale pour passer des bruits blancs. Et puis, alors l'appel est lancé. Nos auditeurs et nos auditrices. Si jamais vous êtes intéressés, contactez-moi. Si quelqu'un a une chambre anéchoïdale à mettre à disposition de Jérémy Chevalier. Pour vraiment faire juste des... Appelez le 078 244 57 54. Vous gagnerez un repas et une place de concert pour ce soir. Au moins. Et un micro en terre gratuit. Et je crois que ça va être le mot de la fin, puisqu'il est 11h59 non, en fait, ils sont en retard en haut, donc on peut du coup présenter le programme de la journée. Oui, on s'est fait un peu engueuler parce qu'on n'était pas à l'heure, mais en fait, eux non plus, l'équipe du haut.